En direct à des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 12 de la saison 2017-2018 de la soirée du podcast. Ma voix était-tu trop forte, Dave? Ben, tout est trop fort, je pense. L'alignement de départ pour le podcast de ce soir. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Et oui! Le numéro 24, Mart Véro. Bonne le direct. Numéro 98, Alex Galipo. Hey! Le numéro 31, GF Modelo Mallette. Yeah. Et le numéro 75, est votre animateur, GF Crow. Yes! Avant-dernier podcast ce soir de la saison. On a respecté notre entente. Oui, on va en parler tantôt parce qu'on est maintenant post-échange. Parce que échange, ouais. Il y a eu. Fait que on va aller faire l'avant-match et on va en parler, tiens. Pas de l'échange, dans le fond. On a juste parlé de notre pari. Parlons en bière. Mallette, parce que... Mallette qui est commandité par Modelo ici, qui boit une sublime Modelo look butt plug. Ouais, commandité par Modelo par les membres de la soirée du podcast. Ouais. Ouais. Donc, dans le fond, on rappelle le pari. GF, t'avais dit que Plekanec serait échangé contre un choix de deuxième ronde minimum. Puis nous, on avait dit trois ou plus. Ouais. Et puis on était trois à prendre le pari. C'était moi, GF, puis Mark. Ouais. Puis GF, il nous a parié, dans le fond, que si on gagnait, donc si c'était un third pick et plus, ou moins, ben c'était lui qui nous payait la bière aux trois. Fait qu'une 24, une dans 24 le fond. Une 24 pour les trois. Tu penses pas fair, dans le puis fond. Puis si ouais. On gagnait... Fallait qu'il soit sûr en maudit son oui. Ben ouais, mais tu sais, on savait mais en il, même il temps il l'a dit, c'était aussi. Une offre alléchante. Mais il aurait très bien pu ne pas bouger Plekis, là. Mais... Ouais. Oui, mais tu sais, c'est pour ça, pour nous autres, il n'y avait pas grand-chose à perdre. Puis tu sais, je me doutais quand même qu'il était pour se passer quelque chose. Puis tu sais, en même temps, je te l'ai dit que j'étais content. Je serais content de t'appayer, tu sais. Ça serait... Ouais. Puis l'autre côté de la chose, c'était sinon, c'était nous trois qui payaient une caisse de 6 de Modelo à Mallette. Mallette, il est très modeste. Pas ça, très modeste. Mais... Ben, j'aurais dû être là parce que moi, j'étais d'accord avec lui. Fait qu'on aurait pu monter ça. Écoute, écoute pas cher. Non, Chris. J'aurais pas toi, embarqué. Toi, c'était un deal avec Mallette. Toi, on le sait. Hostie, ça aurait coûté une crise de beurre. Moi, j'aurais fallu t'embarquer dans le deal. Il avait monté les deux. Un scotch. On aurait été dans le mal. C'est un scotch single malt. En tout cas, on a chose payée, chose due, ouais. C'est ça qu'on dit? Ben non, mais c'est pas grave. Ouais, on va dire bons ça. Amis. Bon me once. Fait que GF a eu sa bière. Et d'ailleurs, ouais, le but premier de ce pari-là, c'est que tout le monde est content. Ouais, puis j'aimerais juste mentionner que GF avait trouvé un bon deal chez GA à 12,99. Puis j'ai trouvé un meilleur deal chez Pasquier à Saint-Jean à 12,97. Ça, c'est du shopping. Ouais, on voit qu'on est là pour nos scènes. Même pas de détour. En extreme plus. Couponing day. Ah, on est presque complet ce soir. Il y a juste mon frère qui est parti pleurer à Glendo pour le départ de Plekis. Ouais, il est allé saluer son métronome. Faire des shots de lait là-bas. Ben, ouais. Il était correct, Plekis. Ben ouais. Mais non, mais on en parlera tantôt. Là, mais des bons services. On va parler tantôt. Le 10 ans, il était correct. Il était correct. On voulait rappeler que GF va prendre les commentaires en direct sur Facebook Live et moi sur Twitch. Et puis, il reste un épisode. Et puis, les positions du pool, Dave, tout ça. Ben oui, j'ai ça ici. Parce que même si on va terminer le 30 mars, ben même quand la saison va se terminer pour vrai, on va donner quand même le prix au gagnant du pool. On va. Cette année, on se rend pas. On a rien de pas too bad. Ça vous apprendra. Mais donc, d'ailleurs, faites votre échange du mois de mars pour ceux qui sont moi encore j'ai, en, moi, j'ai en, lâché. En, de toute ouais, façon. Mais moi aussi, je suis pas rendu à la course. Ceux qui n'ont pas fait leur échange du mois de février, du mois de janvier. Comme toi. Donc, comme on va voir si ça sert encore. Donc, en cinquième position, on a Rémi Chabot avec 1636 points. Ensuite, on a Maxime Wimet avec 1657 points. C'est les mêmes là, qui restent là dans le temps. Ensuite, Marc Belletête en troisième position avec 1691 points. Numéro 2, Guillaume Touga avec 1693 points. Et En première position, Nick Chalifou. Oh! Avec oh, 1711 Nick. Points. Il va nous coûter cher de shipping, lui. Eh oui. Attends qu'il revienne. C'est le monde dans l'Ouest, c'est le monde en Europe qui gagne ça, ce pool-là. Il va venir Noël prochain. Sérieusement. Il va venir visiter sa famille Noël prochain. T'es exclu si on peut pas aller te le porter en main propre. Je l'ai croisé à Arcane Montréal cet hiver, ça se peut qu'on le voit à un moment donné. C'est ça. C'est bon. Pour ce qui est des positions du pool pour les membres du podcast, le mieux placé, c'est Mart en 11e position. Descendu un peu, mais quand même, approche du top 10. Mart 11. Ah, Mart toujours, là. Le nez dans l'enfer du mal. Yes. Voilà. Ensuite, c'est moi, numéro 20. Ensuite, ça va à Mallette, je pense. Ouais, 29. Mallette. Nope. Moi, je suis 46. 31. Jeff Cromp. Ah. Alex 46. Gallipo 46. 53 Chrome, puis Gallipo 46. Ouais, okay. Voilà. Je connais par cœur, moi je suis ça. Et le dernier pour ce podcast-ci, c'est Olivier Roberge. Chez Mario. Le fils de Mario. Fait que toi, on le petit gars, il y a 12 ans. T'es un assassin pourri. Non, je sais pas. Écoute. On te confirme, Olivier, que tu auras pas de t-shirt du podcast. On te confirme également que... Okay, voilà. Donc, on va aller commencer la première période. On te confirme qu'on a mal à la gorge. On a mal à la gorge contre le bon Claude qui se fait insulter par JC Lajoie sur Twitter. C'est merveilleux. Merveilleux de ça. Fait que faisons le résumé. Il y a eu 6 matchs entre les deux podcasts. Fait qu'on va voir si on a bien fait encore une fois ou pas. 17 février, une défaite contre Vegas 6-3. Je l'ai manqué, ce vivant. T'as-tu hâte le match à Vegas? Non. Ils ont-tu joué un peu aux machines à sous? Non. Il n'y a pas de match hot des Canadiens. Ben non, il y en a eu un. Il y en a eu des bons matchs. Non, il y en a eu. Après ça, ouais. 20 février. Les Flyers, c'était bon. Défaite en prolongation contre Philly à 3-2. Il y a tout le temps des bons matchs. Ouais. 22 février, victoire contre les Rangers de 3-1. Après ça, 24 février, défaite contre Tampa Bay en tir de barrage 4-3. Ça, c'est 20... un bon match. Ouais. Ouais. 26 février, une défaite en tir de barrage encore une fois contre Philly 1-0. Et 28 février, victoire contre les New York Islanders 3-1. Ça, c'était un bon match. Ouais. Ouais. Sauf pour Pacheco, mais c'est un bon match. Sauf que le Canadien a scoré. Il a gagné. Fait que moi, ça me fait chier. Non, mais... ben, c'est mauvais pour nous, on mais veut c'est, baisser. C'est on veut baisser. Du spectacle intéressant. Ah, le spectacle est bon, mais c'est parce que ce qui est le fun, c'est que là, on a l'impression d'avoir un genre de. Comme une fin de saison qui ressemble à des matchs préparatoires. Comme c'est un camp à les gars, ils donnent. C'est beaucoup de jeunes, puis ils donnent ce qu'ils ont parce que c'est les jeunes qui veulent se prouver pour faire leur place. Ah, mais tu peux pas tout garder. Parce que les coachs font de la place et tout à eux autres. Ils font de la place, mais ça leur permet de voir à quel niveau ils sont rendus. Puis eux autres sont là pour se prouver. C'est l'évaluation. Quand tu arrives en septembre, puis tu commences à jouer des games, ça fait un bout que tu n'as pas joué. T'es pas game shade de la même façon. Là, le monde qui joue présentement, ça fait comme une saison complète qu'ils jouent. Ils sont bien plus dans leur élément, puis ils sont capables de démontrer des bien plus belles choses. Puis c'est ça qui est le fun. T'sais. Ben, ils ont moins de pression aussi de performer, dire comment ils vont arriver à mais les jeunes vont vouloir performer pour faire leur place. Ben plus tard. Puis les vieux peuvent relaxer. Les vieux s'en calissent. Ben, Pacheco s'en calisse, en fait. Ah, ben oui. Gallagher, lui, s'en calisse jamais. Non, Gallagher, il est tout le temps. Ce gars-là, il est tout le temps là. C'est comme un 3 points à soir. Gallagher, il a 3 points à soir. C'est ça. Crise de guerrier, man, lui. Ah, tout le temps. C'est l'orgueil c'est du vestiaire. C'est vrai, cœur, lui, le c'est capitaine. C'est le cœur et l'âme de ce c'est... club-là, c'est lui, le capitaine. On fait tout des plus et des moins pour la période en cours. Allons-y. On commence par nos plus, tiens. Alex, vas-y, on fait un bout, t'as pas été là. Je vais donner. Caméra sur Alex, comme ça. Antti-Niemi. Oh, Antti-Niemi. Ah oui, faites un bon job pour de vrai. Pour un gars qui s'en va. Renaissance. Il fait sa place. Ben, lui, c'est pas compliqué. Il cherche un job. Puis pour de vrai, je l'ai eu de voir gauler. Il gaule tout croche, mais quand même. Ah, mais il y a. Ouais, sur ça, doit l'avoir gaulé. Parce que tu dis, genre. Il y a un Chris de gros. Quand tu vois gauler, là, tu dis, Chris, tout peut arriver. Puis il sort un save, c'est comme. Aïe, man. Je donne parce que. Même si c'est fini, puis il n'y a pas de contrôle l'année prochaine, il se défonce. Il se défonce. C'est sa dernière chance. Ah, c'est le coup d'avoir. Lui, il joue pour la passion du hockey, pas pour la position, le salaire. Il joue que lui, moi, je veux continuer à jouer au hockey. Il bosse. Lui, il drive. Là. C'est hot. Bon choix. J'ai comme l'impression que si Price n'aurait pas été blessé, on aurait été capable de l'échanger à date limite. Niami? Il n'y a pas d'équipe face-série qui a Pittsburgh, Matt Murray s'est blessé la journée de la date limite. Mais tu vas pas en série avec. Pour patcher, mettons, la course aux séries. Quand ils l'ont eu, il aurait laissé quoi, 7 buts man, dans son game à Pittsburgh? 6? Ouais, c'est ça, mais. Niami, un goaler qui s'en va en playoff, tu l'avoir comme 3e goaler. Ouais, c'est un backup. La maladie goal mérite d'être. C'est ça. Besoin que Murray est revenu. T'as-tu ton plus, toi, JF? Ah ouais, c'est sûr, Noah Jolson. Bon, t'es de bandé, Joe. Il était déjà deux games. Mais non, Chris, 4 games. 4 games. En moyenne, 20 minutes par match. Puis je trouve, si, c'est un gars hybride. Il est bon. C'est vrai, lui. Il est bon. Il a un flair offensif. Okay, il marche à voile et à vapeur, dans le fond. C'est ça que toi, tu es. T'es hâtif quand même, mais c'est correct. T'as non, j'aime ce que je vois. Un peu. Je veux voir que ça va aller la saison. C'est un plus sur 6 matchs, le droit. T'es un petit vite, toi. Je suis un petit vite. Non, mais c'est correct, c'est ça. T'as raison. C'est un plus sur 6 games. C'est 33% des games qu'il a joué dans les. La saison. Calcul mental, comme il ça. Il joue mieux que qu'est-ce que j'ai vu de Ben Schlemko, oh. Puis même Osner, ouais, c'est renaissance. Le problème, c'est ça. C'est que quand on compare les défenseurs du Canadien, c'est facile de faire le tour. Là. C'est pas ça, la meilleure. Jolson, les a dépassés, il a monté dans la hiérarchie. Ah, t'as peur, là, il a joué, il a joué 75 games. C'est qui nos bons défenseurs cette année? T'as pas un gros échantillon, là. Je parle des gars d'expérience, là. C'est qui nos bons défenseurs cette année avec le Canadien? Dernier match, je te dirais que Petrie connaît une bonne saison. Hey, t'as peu. Bon, hey, bonne, hey, séquence. Hey, bonne séquence. Jolson, là, quand il s'est fait shifter par le gars là, des Islanders, ouais, mais là, ça là, t'as dit 70 games, là, combien de fois dans l'année il va se faire shifter de même? Tu ouais, mais il apprend, là, non, mais façon de parler. La fois qui est impressionnante aussi, c'est que c'est ça a été... Barzal, c'est un joueur aussi, il s'est fait passer solide, là, tu sais. C'est ça, c'est un grand joueur. Il n'a jamais vu ce qui s'est passé. Il va apprendre, mais l'affaire avec Jolson, c'est que, mettons, ça aurait été Terrien qui aurait coaché, là, on l'aurait jamais revu de la game. Il a joué quand même 20 minutes, puis ce jeu-là, c'est arrivé en première période. Fait que c'est ça que j'aime de Julien, il donne du lousse aux jeunes. Ah, mais là, il a le pouvoir de le faire. Parce que le Canadien ne fait pas les séries. Mais c'est justement, c'est présentement, là. Il donne du lousse aux jeunes. C'est pour ça que Deslauriers ne joue pas. Il est pas jeune. Deslauriers, Chris, c'est un vétéran. Il a 27 ans. Il a le beau jeu présentement, là, Julien. Il peut juste donner du pression. Non, c'est ça, mais j'aime ça parce qu'on est capable de voir un peu ce qu'on est rendu avec nos jeunes. Chris Sherbach, moi, honnêtement, j'avais lancé la serviette sur lui. Puis, sacrément, je trouve qu'il y a bien plus de cœur et de haine que Pacioretty. Sherbach. Présentement, oui, présentement. Même le gars qui déblaye le temps du net, il y a plus de hang. Mais lui, là, attention, combien qu'on game dans la ligue et tout. Qu'est-ce que je te disais tantôt, c'est que oui, il y a plus de hang présentement, mais Pacioretty, il a joué, mettons, 60 games à peu près, puis l'autre, il en a joué pas beaucoup, puis l'autre, il arrive en fin de saison de même, puis lui, ben il vient montrer genre tout ce qu'il a acquis comme expérience dans la saison. Ouais, ben, un vétéran devrait donner ça tout le temps. Ben, le vétéran, Mallette, là, sa place l'année prochaine est faite. Puis si t'es pas Gallagher, puis t'es pas genre justement le cœur puis l'âme de l'équipe, ben tu t'assises sur tes hostiles. Un vétéran, ça devrait donner quoi, tu dis tout le temps? Son 100%. Un vétéran, ça devrait donner tout le temps son 100%. Ça arrive pas. C'est sûr que tu peux l'échapper sur 82 matchs. Écoute, c'est pas la réalité du hockey d'aujourd'hui. Il y a au moins 20 games. Dans un monde 85% des games, c'est juste normal présentement que les jeunes performent. Parce que c'est un c'est court le moment propice. C'est un court temps. Plus de il n'y a pas de pression. Les vétérans leur laissent beaucoup de place parce que justement, ils ne font pas tant d'efforts. Fait qu'ils les laissent jouer plus parce qu'ils savent que deal, il est scellé. Tu veux là, pas te blesser. On en parlera tantôt parce que je vais revenir sur Pacioretty. Là, mais honnêtement, s'il jouerait bien, là, je pense qu'il serait plus avec l'équipe présentement. Il ne s'est pas aidé. S'il jouerait bien. Le gars, là, c'est pas cette année. C'est pas cette année qu'un GM va évaluer Pacioretty, il va regarder ce gars-là il contre, c'est pas à cause des, ben ouais, c'est des ça. 60 games de stade, bon là il vaut plus de la merde. Les DG ouais, dans on s'égare là, on t'en a un plus, fait que ton plus a été c'est Noah Jolson. Bon, vas-y, bon, Mark, c'est ton plus. Écoute, moi j'écoute plus les games. Moi je suis décalissé. On n'est plus de plus. Je vais donner au blanc Charlie Lindgren. Bon, excellent ça. Check. Dave? Et... C'est qui t'a dit, Emma? Excuse, je parlais avec GF. Donne ça au jeu blanc Charlie Lindgren. T'as juste écouté Carlis. Ouais, fuck off. Bon, je le donne à Gallagher. Je t'écouterai pas. Je joue pas qui, Dave? Gallagher. Le seul qui a donné son 110% c'est toute la crise de la saison. Ah ouais. Puis que même là, comme tu dis, c'est un vétéran, puis lui, il continue à le donner. Il montre l'exemple. Mais il y en a d'autres des vétérans qui le. Byron. Chucky, c'est un vétéran. Drouin, c'est un vétéran. Drouin, pas encore. Okay, ben, pas vétéran dans l'équipe, mais je veux dire, c'est un vétéran dans le nombre d'années qu'il a joué dans la Ligue comparé à bien d'autres jeunes. C'est sa troisième année. Ouais, il est jeune quand même. C'est quand même. Chris, à 3 ans, tu commences à être un jeune vétéran. Admettons qu'il commence à prendre ce statut-là. Il commence à faire son chemin. Puis, tu sais, je veux dire, tu sens que là, il y a plus de fun à jouer. Ça commence, là, honnêtement. Mais ça, je suis d'accord avec ça. Mais... Et voilà. On est ailleurs dans la saison. On fait nos moins maintenant. Mais toi, t'es qui ton plus? Ouais, ouais, aux jeunes, moi, en général. Là. Je trouve que les jeunes, les jeunes. Les noyaux. T'as toujours trippé ces gens. J'aime ça. J'aime ça. Je ferai aucun commentaire. C'est la présence de mon avocat. Fait que... Moi, je le donne aux jeunes garçons. les jeunes hommes dans l'équipe. Ils jouent fort. Les jeunes hommes, ouais, qui sont vraiment bien. Mabri. Ouais, il m'a donné à Riley, là. Riley, ouais, m'a impressionné. C'est... Non, mais je l'ai pas haï, pour vrai. Il m'a pas impressionné au point de vue. Il a bien joué. Mais il a bien joué. Il y a une coupe de décision. Correct, mais ben, il patine bien, Chris. Ouais. Par exemple, ça c'est une affaire que j'ai trouvé. Il skate bien, il est quand même assez fluide. C'est un bon prospect. Puis il a fait une petite belle mise en échec à ligne bleue Un moment donné, il y a eu un shot, puis il est allé voir tout de suite le gars sur le côté, puis il a laissé le shot. Je suis bonne décision. La plupart des défenseurs resteraient en avant. Le gars t'es allé, puis il est allé dessus devant le gars. Mais j'aimais ça, gars, puis il a laissé le shot au goal. Ouais, puis il a été physique ça, quand même. Ça, j'aimais ça et tout. Mais alors, il est quoi? Il est 6 pieds, pas loin de 200. Il pas l'air grand, en tout cas. Non, il n'y a pas l'air. Il est 1, 200. Mais il est quand même. Il est back. Il est comme toi, il est solide. Ok, allons-y sur nos moins maintenant. Faisons Alex, ton moins. Mon moins? Ok. Mon moins, le numéro 92, Jonathan Drouin. Je suis pas capable. Ah ouais? Ah, il me gosse, mais non, mais il est paresseux, ce style-là, man. Il a fait des crises de beaux buts, par exemple. Dernièrement, il a raté sa pinotte, ce style-là, des années. Oui, il y a des flashs, ce gars-là. Mais entre ses flashs, il patine pas, des fois. Tu vois qu'il attend. Il n'y a pas de backcheck, il retourne tranquillement. Ouais, mais ça s'en vient. Ça me gosse, en esti. Ça s'en vient. L'autre jour, je focussais sur lui. Là, c'est quoi la game? Même la game des Islanders qu'on a gagné, je focussais sur lui, man. Vraiment, là, tabarnak. Hey, il a fait des beaux jeux, là, honnêtement. Oui, mais il fait des flashs. Son repli défensif, il était écœurant. Il en a fait un, puis il y en a plein d'autres. C'est ça, son repli défensif. Regarde-les, là. Il glisse rien. Ben, moi, c'est pas ses replis défensifs que je m'attends tant que ça. Moi, je veux vraiment le voir scorer. Je me calisse un peu son défensif. Tu sais, je veux juste le voir comme back-checker. Fais pas les plus grands jeux, je m'en fous. Je veux juste que temps. Quand t'as le puck, rentre ton esti de pellule comme qu'il fait, là. Hey, il te la rentre en Christ. Ouais, mon beau, gars, son là, snapshot, mais... là, il est vif en Christ. Mais là, il se trouve qu'il est trop. C'est vrai qu'il est paresseux, que c'est un pas bizarre. Il est paresseux. On va sûrement avoir le vrai Jonathan Drouin dans les 10 derniers games qui restent. Ouais. Parce que là, il y a une motivation. Le vrai Jonathan Drouin, un sang. Non, ça, je l'ai dit, il m'a déçu. Vas-y que ton moins. Écoute, je vais pas m'éterniser là-dessus, là, mais c'est le 67. Là. Ah, mais bon, lui aussi. Le capitaine. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de cœur à l'ouvrage. Puis, Il n'est plus dans l'équipe. C'est le bord de la porte. Il est déjà sorti. Son taxi, il est dans la cour. Hey, Malette, il est déjà échangé. Il attend juste ben, la fin de pas, la pas mal, ouais. Tu sais, sérieusement. Les il, meubles sont déjà il prend son mal en patience, puis il faut qu'il affronte les médias à tous les soirs. Ben, moi, c'est comme je sa disais. Sa maison est à vendre. Peut-être qu'il n'y a pas une équipe qui irait le chercher là, mais s'il aurait été vraiment en feu, je pense qu'une équipe aurait été prête à payer le prix qui était demandé pour aller le chercher là, parce qu'il l'aurait pour deux playoffs. Ça, c'est ce que je pense. Mais je pense que Benjamin a juste été trop gourmand. On a juste pas une. Non, pas trop, il est pas trop gourmand. Non, il est correct. Il est gourmand. C'est quoi? Il m'a dit un premier centre. On disait la même affaire de Sakic, man. Il va être trop gourmand. Il l'a eu, man, sur les chances. Mais c'est pas la bonne expression de base. Les rumeurs, c'est qu'il demandait un premier centre. Il va pas aller en bas de ce qu'il veut. C'est correct. C'est ce qui était spéculé, dans le fond, qu'il demandait un joueur de centre prospect A, là, puis un prospect A. Mais il n'y a pas un DG qui était prêt à payer le prix. Mais d'après moi, c'est quelque chose qui pourrait être faisable au repêchage. Mais, avec les Panthers. Ensuite, les Panthers, ça a l'air qu'il était bien intéressé. Non, mais les ce Kings. Gars-là, il ne sera pas dû à échanger. Non. Ce que j'avais entendu. 35 buts sans centre, si pendant la plein de saison. Mais le sans centre numéro 1, man, tu le mets dans une bonne équipe. Il y a des fois, tard le soir, quand je reviens. De où? À maison. La shop. Je peux pas le dire. Non, mais j'écoutais un moment donné, là, Ron Fournier, un soir, puis il disait qu'il parlait avec des scouts qui étaient venus, des scouts de d'autres équipes. Mm-hmm. Puis Ron, il disait, j'ai demandé aux scouts des autres équipes, c'est quoi qui gosse dans Pacioretty? C'est quoi que vous aimez pas de Pacioretty? Ou que... Non, puis... oui, ça. Puis il disait que... Il disait, Pacioretty a perdu de la vitesse. Apparemment que les autres équipes trouvent qu'il manque d'explosion en ce moment, puis qu'il dit tout son aspect, là, la petite pointe de vitesse qu'il a perdu, là, il dit ça, là, il dit c'est comme c'est un downer pour les équipes d'aller le chercher. Ben, moi, je pense son explosion. Son speed de dropper. Son accélération, je pense qu'il l'a encore. Il a peut-être ralenti un peu, mais pas beaucoup. Mais le problème, c'est que je pense que ça y tente juste pas. Mais on a vu un flair comme quoi qu'il l'avait encore. C'est quand que Sergachev jonglait avec le 10, puis Pacioretty, anyway, il est enlevé comme une fillette dans un parc. Là. Puis il est allé en échapper dans la game contre le Lightning. Genre, ouais, t'as vu qu'il y a vraiment. En tout cas, Chris, c'est sa cinquième vitesse pour aller scorer. Finissons les moins rapidement parce que je vais aller parler des échanges après ça. Fait que Mart, ton moins. Osner. Bon. Dave, ton moins. Bon, moins. Tabarnak. Il amène un asti de paquet, là. Ouais, je vais donner une affaire plus d'équipe comme le développement du team. On en a parlé souvent. Écoutez nos anciens épisodes pour savoir pourquoi le développement du team. L'annexe A. Moi, c'est comme GF. Pacheco, pas grave. Pacheco me fait chier cette année. Tu peux pas voir les games à zéro tir quand t'es sur un premier trio. Qu'est-ce que tu fais? C'est sa job de sauter. Un moins, man. Carry, man. Il est blessé. Il a reçu une poque dans la face. Ah! Ouais, il fait. C'est pas un des moins de la saison. Il frappe sur Carey. How dare you? Je me suis de faire une quote d'RBO là. Oh, ouais, je t'ai filé. Allons-y pour les échanges du CH. Il frappe le petit. Les échanges du CH qui se sont passés du bon moment parce qu'on est post-échange maintenant. Yacoub Yerabek qui était UFA fin de la saison est parti avec Washington. Yerjabek pour un choix de 5e ronde en 2019. Bravo Marc. Ouais. Ouais. On va dire. Joe Morrow, il y a Joe Morrow rendu à Winnipeg en retour d'un choix de 4e ronde en 2018. Je vais le partir après ça, Dave. C'est bon. Subtil. Choix de 5e ronde, Washington en 2019 en retour de Mike Riley. Dans le fond, le choix qu'on a eu pour Yerabek, on l'a donné au Wild pour Mike Riley. Fait que c'est comme si Yerabek ou Mike Riley, dans le fond. Et on a échangé Thomas Plekanec et Kyle Bond, qui c'est un gars de... Un jeune qui ne fera jamais aller. À Toronto, national. En retour d'un choix de 2e ronde de 2018, Kirby... Reichel. Reichel et Reinhard Valiev. Valiev. Et le CH qui paye la moitié du salaire de Patrick, de Plekanec. Pour cette comme Jeff avait mentionné. Ouais. Jeff avait dit que ça serait attirant pour les autres clubs de faire un deal avec Marc Bergevin puis que Bergevin absorbe la partie d'un salaire. Puis, ben oui. Voilà. C'est 100 000. It's done. 100 000. Ah. Payé. Bon. Modelo. Voilà. Ben, c'est très bien. Si je peux bien, faire une ça, petite parenthèse pour ceux qui ne le savaient pas, là, c'est comme, mettons, genre. Non, toi, t'as plus le droit des parenthèses. C'est Kirby Reichel, c'est le fils de Warren Reichel. Ben oui, on le savait. Au cas où. C'est parce qu'il n'y a plus personne qui se souvient Warren Reichel, il a fait quoi dans Ligue nationale. Ça, ben, pour. Il n'y a pas joué d'un sort. Pour l'échange de. L'échange de. Le 14. Hein, pour l'échange du Megro 14, on a cette petite chanson-là pour Mart. Ouais, yes. On va se faire bloquer notre stream sur Facebook. Quel changement de look pour Plekanec. Mais là, c'était plus le bout qui s'en venait après qui correspondait. Il est arrivé à Toronto avec pas de pinch, là, d'un petit pretty boy. Ah, parce que Lou, il niaise pas avec le puck. Lou, c'est un air nazi, lui. Ah, c'est clair. pas de barbe, pas de cheveux longs. Les gars, vous avez marché derrière. Ah, ben écoute, il a fait ce qu'il avait à faire, Marc. Vous pensez quoi de la rumeur que Plekanec va revenir l'été prochain? Ben correct. Si il coûte pas cher, ben, puis il serait dans le 4e centre. Si il vient comme 1 million, mettons, je le reprends. Non, mais 2, mettons. Le problème, 2, c'est qu'à Montréal, parti comme c'est là, il va être encore notre 2e centre. Non, non, mais 2-3. Moi, je pense pas que c'est ça le but. À 2-3 millions? Non, pas à ce prix-là. Non? Non. À 2.5, plus maintenant. Pour jouer sur un an, pour un an ou deux. Pour jouer sur quelle ligne? Moi, là. Moi, je mettais ça à 4. Moi, je donne rien en haut. Moi, je donne rien en haut de 3, ce gars-là. Oublie ça, là. Not enough. What? Dano, je pense que ça à 2, c'est beaucoup pour lui. Okay, fait que tu m'as plaqué ça à 4? Ouais, avec Dano, ça à 3, puis là, tu vas trouver 2 astuces. Mais ça va prendre 10 ans. Et c'est bon, un gars. 2 astuces. Ça va prendre 10 ans. T'es malade, là. Il y a 10 ans, Dano, puis. 2 astuces, on n'a jamais été capable d'en avoir un. Je sais bien, là. Mais bon, mais honnêtement, tu peux pas mettre Dano, ça à 2 tout le temps. Il peut faire un correct 2. C'est un gars de 3. Mettons, il y a une blessure. Ouais, c'est ça, chose, il peut dépanner. Mais là, Plekanec, il était à 2 à Montréal? Il était à 2 à Montréal, il est à 4 à Toronto. On va voir ce que Marc tantôt va dire par rapport au remplacement de Plekanec. On le sait bien, les gars, il n'y en a pas de ligne à Montréal. Mais non. Non, tout le monde est à 1 à Montréal. Ouais, non, mais en tout cas, c'est une crise de bon échange, man. Non, ouais, ça, c'est un bon mot. Pour vrai. Ouais, là, on est en une crise de bonne position pour le repêchage cette année. On a un choix de première ronde, 4 choix de deuxième ronde. Yeah. Un choix de troisième, je pense. Comme c'est là, maintenant, on serait comme sixième, septième à repêcher. La loterie, c'est quoi? On a perdu la loterie, c'est les 15 équipes qui sont éligibles au premier choix. Non, mais le hashtag, on suce pour Ramos. On suce pour Ramos, qui vient d'un gars sur Twitter, là, Matt Mout. Je pense que c'est lui qui a parti ça. Mais il me l'a dit, il est venu me voir quand j'ai... Ouais, c'est quoi en anglais? C'est Falling for Darling. Falling for Darling, ouais. Okay. En français, c'est on suce pour Ramos. pas Ramos, Rasmus. Rasmus. On suce pour Rasmus. On suce pour Rasmus. Ok, moi j'écris Ramos. C'est Rasmus. Rasmus. Rasmus. Rasmus pour Sasrums. Toi, tu l'as mixé avec genre tes origines latines, Ramon. Ramos. On Ramon pour Ramsus. Rasmus. On Ramon pour Ramon. Ok, ouais, bon échange. Il y a comme 4 équipes en avant des autres. Juste pour faire un update sur les choix de 5e ronde qu'on a eu cette année là, pour Al Montoya, il est à un match de jouer ses 7 games. Fait qu'on va avoir probablement un choix de 4e ronde des Oilers. Puis les Kings sont en voie de faire les séries. On va avoir un autre choix de 4e ronde. Fait qu'on va avoir deux choix de 4e ronde. Ça va être excitant cette année, le repêchage pour les Canadiens. On va repêcher plein de fortes. Imaginez si on gagne la loterie. J'ai hâte de voir en tabarnak qu'est-ce qu'ils vont nous prendre comme beaux joueurs. Un défenseur mobile. Des beaux joueurs. Allez nous trouver des beaux joueurs dans la Ligue européenne. Des gars propres. À la SM Liga. Des gars propres. Des beaux gars propres. Rick Dudley avec ses cheveux de Playmobil. Avec des caches bien shinées. Qui viennent de la Ligue de Suède. En fait, j'hésite, les cheveux à Rick Dudley, c'est comme un casque de Playmobil ou c'est juste de la feutrine collée. C'est un des deux. Un casque de Playmobil. Juste des un casque de cheveux. Une moquette de Playmobil. Je sais pas si il arrive de le mettre à l'envers. Le pire, c'est qu'à snap, là. Comme... pas qu'elle parte au vent, quand même. Ouais, ouais, ouais. Fait que, écoute. C'était le fun, les périodes d'échange, c'est rien qu'on le sait pour ça. Farewell Plecky. Il a la tête faite comme avec une coche. On a été dur avec Plecky quand même dans les dernières années. Ouais. Ben, on avait raison, mais c'est parce que c'est la faute de l'organisation. Ils l'ont mal signé, Carl. C'est pas sa faute à lui. C'est parce qu'il n'y avait pas personne de meilleur en haut de lui non plus. Il aurait gagné moins que la moitié de ce qu'il fait, puis on aurait chialé crissement moins sur Ouais. Ben, c'est parce qu'il était pas sa bonne chaise. Le monde s'attendait qu'il produise. Ouais, mais c'est ça. Mais Montréal, ça fait longtemps que c'est cette affaire-là. On n'a pas un centre sa bonne chaise depuis 15 ans. Ouais, c'est ça le problème. Je pense que Montréal a un hostie de problème de chaise. Patio, c'est la même hostie d'affaire. Patio, il n'a jamais eu de centre. Il n'a jamais eu rien. Ben, c'est ça. Il comptait 30 buts. Il comptait 30 buts pareil. Avec Dernay. C'est son meilleur match-up. Son meilleur match-up, c'était le petit dernier. L'année avec Cole, c'était hard. C'est là que ça quand Cole, il faisait des high-fives au C'est là que Patio est devenu Patio. Ben, qui est devenu le bon Patcho. Patcho Ready. Ben, c'est quand Patcho qui est revenu. Cole Patcho c'est quand qui est revenu des Bulldogs. C'est après ça qu'il s'est fait ramasser par Chara. Puis jamais été le même. Jamais été le même. Après ça, il est revenu un peu. Puis Non, mais il a tout le temps compté beaucoup de buts, mais beaucoup plus frileux. Après la blessure. Il est frileux. Il est moins de hargne parce qu'il voulait devenir un playmaker qu'il avait dit à un moment dans notre blessure. Non, mais t'as peu. Au début de l'année. Il est frileux. Ok, oui. Mais en plus de ça, c'est pas un gars pour contrôler une puck puis créer un beau jeu. Ah non, c'est lui, c'est. Fider quelqu'un puis en ligne refaire, droite. Mark, dans le fond, ce que tu essaies de dire. C'est un one trick pony. C'est un Michael Ryder. Mais en plus, c'est un hostie mangeu de marde. Patio? Ouais. Bah oui. C'est ça que Mark essaie de dire. Mais c'était Michael Ryder. C'est une équipe qui est morte. Je suis d'accord. Patrick Reddy, c'est mou comme de la merde. Non, non, mais c'est vrai. Ah, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais ce soir, on va aller faire une entraque. On revient pour la deuxième période. Chris, il a sorti un troc de la neige. Les extraits audio en deuxième période. On va aller faire la pause là-dessus. Pause. Ça a tout été important, ça. Non, aucune astuce d'autorité. Ça n'a rien attendu. Pause. Tu m'as fait penser à ma prof en troisième année. Excusez. Là, alors, on vient parce que le petit Yannick qui raconte sa fin de semaine. Ce petit gars-là, le petit Drouin, là, ça c'est un petit gars bien de chez nous qui va compter ses buts en français, qui va faire ses passes en français, puis qui va faire ses commotions cérébrales en français. Parce qu'il le dit, j'ai su la joie, si les Canadiens sont anti-francophones, puis ils bâchent le monde. On est de retour pour la deuxième période. Là, tu penses-tu de Barry Boulet? Oui, exactement de lui. Ouais, le flop, là. Le flop total. Donc, la deuxième période, les extraits audio de Marc Bergevin. Donc, le bon Marc. Écoute, Marc. Mon goût préféré. C'est quoi, Barry Boulet? Marc, écoute, je vais dire. OK. Ça n'allait d'expliquer, mais il y avait ça en mots. Ouais. Fait que, voilà. Il y a eu une conférence, en fait, de Marc Bergevin, puis c'est de là que viennent les extraits audio. On est heureux. C'était durant la période post-transaction, comme on l'appelle ici. Voilà. Je sais pas ça de quoi, je vois. Non? Okay. On n'a jamais appelé ça de même, là. Je vais aller me coucher, c'est bon. Post-transaction. Fait qu'on enchaîne. Ouais, premier extrait. Alors, on a demandé à Marc, est-ce que les jeunes Valiev et Reichel, acquis des livres en retour de Plecky, ont un potentiel pour jouer dans la Ligue nationale un jour? Oui, écoute, c'est certain que le potentiel est là. C'est la raison pour qu'on a fait les transactions. Puis, pour ce qui en concerne, Mike Riley s'en vient ici, je pense, demain. Dis quoi? Puis Valiev et Reichel sont à Laval, mais on possiblement bientôt avoir On va y voir. Une chance d'aller voir ici à Montréal pour voir ça, leur potentiel pour aider l'équipe éventuellement. Hey, j'ai écouté en vidéo pour les capturer, les extraits, puis ça n'a pas de bon sens en audio tout seul. Il s'en calisse. Il avait l'air brûlé, Marc, dans ce moment-là. Moi, j'avais juste entendu l'audio. Ça sonne comme je t'aboute. J'ai pas dormi depuis une couple de jours. Attends, tu vas voir, il y a des bouts que tu vas capoter. Je sais même pas pourquoi j'ai fait l'échange. Moi, l'audio se capotait. Je m'en rappelle pas. Je suis bien trop sûr. Il avait vraiment l'air sur le bord de se coller une balle dans la tête. Ça paraît qu'il n'a pas dormi. Nouveau bon champlain. Là, il se bat à la déprime. Il doit voir la pointe 5. Il était RDS le soir, il était super en forme. Il fait une sieste power nap. Il était super en forme, super bien habillé, super top shape. Il y avait ses petits loafers pas de bas. Il y avait-tu des gros bras? Il venait de shooter dans le vestiaire. Il était bien bronzé. Il venait de se faire épique Timmins. Bien bronzé, il y a du spray tan. Bronzé comme un beau gosse. Voilà, deuxième extrait. On a demandé qui pourrait remplacer Plecky. Voilà. À l'interne, on a un jeune Philippe Danault. On croit qu'il est capable d'aider beaucoup pour remplacer Thomas, mais on va continuer à regarder d'autres possibilités à l'avenir pour remplacer Thomas Plekanec. Remplace-nous Dano, Carlis. C'est pour vote de confiance. S'il est supposé de remplacer Thomas, il n'a rien dit. Ben, ça veut dire que si on juge Thomas, qui aurait dû être logiquement maximum sur une 3, donc c'est un gars de 3. Ouais. Ouais, mais il dit qu'on va quand même regarder. Mais remplacer Thomas. Ouais, il dit on a un jeune Philippe Dano qui est capable de. On espère. Ça, tu sais, il confirme absolument rien. Dans le fond, il dit juste que. Thomas, il joue à Sochi. 1, 2. Ben, c'est sûr qu'il y a un 3, 1, 2. C'est des 3 encore, puis il est conscient, puis il l'avoue. Dano, dans n'importe quel club national, il serait un luxe d'être sa troisième ligne parce qu'il est bon, il fait une bonne job, puis il est jeune. Un bon 3. Moi, je le verrais ça à 3, puis on aurait 2, 3. 3, c'est honnête. Pour Dano, c'est deux hosties beaux jours, par exemple. C'est sa chaise. C'est sa belle chaise. Une belle chaise de plage. Belle chaise. Une bien shiny. Comme la chaise que je ne mettrai jamais sur la Sainte-Catherine. Les 4 pattes sont des grandes. Oui, ça va arriver un jour, Mart. On a le curse des Leafs. Le curse des Leafs, c'est rendu à nous autres. Ouais. On est rendu. On l'a reçu en échange de Plecky, peut-être. Plecky qui reviendra peut-être cet été. Troisième extrait. Ils ont demandé à Marc, est-ce que Timmins est toujours ton homme pour le repêchage? Ben, si tu regardes dans l'ensemble, on a beaucoup de jeunes qui poussent. On a Jolson qui est ici. Des deux dernières joutes, on a vu son progrès cette année. On a un Sherback, on a du Lekanen, des Hudon. On a du Lekanen. Alors moi, j'ai confiance que Trevor est l'homme de la situation. Recule ça, quand il dit. On va le rejouer parce qu'il dit 17 secondes, mais joute? Il a dit Lekanen. On a du Lekanen. Qu'est-ce comme un produit? Dans le fond, il se disait, on a perdu Plecky, mais c'est pas grave, on a du Lekanen. Lui, il parle style, comme s'il vendait des poissons qu'il y a en stock. Il dit, gars, c'est pas grave, c'est la perche chaude, j'en ai plus parce qu'il me reste encore de la truite. On a du Lekanen. On va le rejouer parce que c'est trop bon. Ben, si tu regardes dans l'ensemble, on a beaucoup de jeunes qui poussent. On a Jolson qui est ici. Des deux dernières joutes, on a vu son progrès cette année. On a un Sherback, on a du Lekanen, des Hudon. Des Hudon? Moi, j'ai confiance que Trevor est l'homme de la situation. Écoute, viens magasiner ici, on a du Lekanen, des Hudon. On en a vendu ça. En plus, il dit Lekanen. Chris, comment qu'il colle dans son bureau, ce gars-là? Je sais pas, toi, c'est sa secrétaire qui s'appelle. Moi, c'est ça. Tu sais, genre. Lui, il appelle sa secrétaire et il dit: ouais, Brigitte, tu peux-tu m'appeler Lekanen? Brigitte, appelle Lekanen. Appelle-moi des Hudon, s'il te plaît. Appelle-moi des Hudon. On a du Lekanen puis des Hudon. Let's go. Hashtag des Hudon. Colle-moi une coupe de Hudon. Appelle-moi des Hudon, là. Je veux parler. C'est un range, man. Ouais. Quatrième extrait maintenant. On lui a demandé s'il était vendeur à date limite parce qu'on lui a parlé du marché aussi pour les échanges. Encore là, le marché, la date des transactions est basée sur ça, sur des joueurs qui sont autonomes à la fin de l'année. Puis on avait vraiment un en Thomas, en Plecky, puis Joe Morrow qui était un joueur avec restriction. Alors il n'était même pas un UFA. Alors, pour nous, l'essentiel était de regarder de ce côté-là, puis on a accompli ce qu'on voulait. Ouais, ça, c'est la phrase qui a été titrée sur le Journal de Montréal, je pense. On a accompli ce qu'on voulait. Ben, c'est correct. Oui, ben oui. Il a tradé Plekanec. Non, mais il a plus ce qu'il voulait faire. Donne, mais la bande a vu ça différemment. Moi, je donne un 7 sur 10. C'est un B plus, un C. Un B, B moins ou un C. Ouais. La seule chose qu'elle fait un 10 sur 10, c'est l'échange de Pacho. Non, mais c'est pas le temps. Full pin, là, parfait. Ça va arriver. Sinon, ça aurait descendu. Mais il a fait ce que je m'attendais. Mais t'avais cette attente-là qu'il serait capable de le faire. Non, ben je m'attendais que ce soit cet été. On le souhaitait. Moi, je le souhaitais, mais je m'attendais pas qu'il le fasse là. Parce que c'est probable qu'il le fasse cet été. Moi, je voulais pas qu'il le fasse. Que j'aurais eu, mais je savais qu'il était pas capable de. Non, mais si tu le fais là, non, s'il l'aurait fait là, c'est parce qu'il aurait accepté moins qu'il voulait. Ouais, c'est ça. Mais s'il l'avait fait, s'il l'avait fait, c'est quoi, il va le perdre. Il va le perdre. Non, non, il reste un an. Ça veut pas dire il y a un an pour le truc. Non, je sais, mais je veux dire, il va. Avec Bergevin, ça, là, c'est quoi? Fait, l'affaire, ça, c'est que je suis pas sûr qu'il va arriver à faire. En fait, il a changé Plekanec. Mais tu sais, c'est quoi, moi, je pense, le plus gros problème? Il a changé Plekanec. Oui, mais attends. Oui, mais il a changé Plekanec. Ben, c'est facile, Trading. Pas... Non, il a changé Mowen. Je pense que le plus gros problème avec... Ça, ça prend un 3. Je pense que le plus gros problème avec Pacho, ça, ça va être de savoir s'il veut vraiment l'échanger. Moi, c'est plus ça que je pense. Ils s'entendent pas. Ils s'entendent pas. J'ai hâte de voir s'il veut vraiment, l'échanger là, pour aller chercher quelque chose avec. Ben, go, man, vas-y. Mais là, on a tellement de cash, plus ça approche de la fin, plus ça va baisser. Plus il va se rapprocher de la date limite des transactions. Parce que Pacho, parce que Pacho, si tu peux le garder, là, fine, ouais, man, hostie. Ben ouais, parce que un bon sens. Oui, ben oui. Si c'est ça, si tu es capable d'aller chercher, par exemple, le Holy Grail Tavares avec l'argent, pas besoin de trader Pacho. T'as assez de cash pour le signer. Non, parce que là, t'as une vraie first line qui est menaçante. Là, ça met hot. Sinon, si tu fous, tu trades juste pour aller chercher quelque chose ou justement. T'es pas capable de signer Tavares ou whatever, mais là tu vas le trader pour avoir quelque chose en retour. S'il le tradait là maintenant, je pense pas que c'est la bonne, le bon parce moment. Que si admettons Pacho il a un bon centre, il ramasse le même point que Phil Kessel. Ah, ouais, il va être c'est bon, un Phil Kessel. 30 buts, 30 passes. C'est 80 points. Mettons là, il ramasse plus 80 points. Phil Kessel, il ramasse plus ça. Il joue sa troisième ligne. Okay, avant, ok, avant, je parle un Kessel dans son prime. Il va compter 40 buts, 40 passes. Tu sais, comme ça, mettons, si on veut se mesurer sur combien il pourrait coûter, si on leur signe, là, James Van Rimsdijk, qui est autonome cet été. Là. GVR. Puis ça parle qu'une équipe pourrait lui offrir un contrat de 7 ans à 6 millions. Ah oui. Pacho, ça va être à peu près ça qu'il va valoir. Genre. C'est correct, ça. Une équipe va lui offrir mettons, voir, 6 millions, c'est parfait. Ouais. Pacho, il aurait eu un gros centre, exemple, puis il aurait été capable d'aller chercher 8. Pour un scoreur de 30 buts, 35 buts, 40 buts, même 6 millions par année sur 7 ans, je lui donne. Ouais, oui. Ça hey, voilà, take ça, my money. Ouais, ouais, mais, moi aussi. Take it all. Moi aussi. Plus cher que ça. Il va coûter plus cher que ça. Il va coûter plus cher que ça. Ouais, mais tu sais que c'est fini. Pacho? Peut-être 6 ans. Moi, je pense que. Non, mais. Qui est allé chercher 6 millions, là. Fait que. Ouais, mais t'as peu. J'y donnerais à Pacho, ce salaire-là. J'y donnerais. Enlève-y le C. Ouais, c'était ma question, puis, ça. Est-ce qu'on y enlève le C? Il y a un centre. Tu peux pas y enlever le C, je pense. Pourquoi pas? C'est arrivé plein de fois dans l'année nationale. Écoute, moi, je le ferais parce que donner un C à Pacho, c'est trop de pression pour lui. Qu'il se focus juste. Tu donnes jamais un C à ton meilleur score. Puis d'enlever le C à ton joueur, tu penses pas que c'est d'affecter. En fait, genre, ben non, mais c'est Joe Thornton. Ouais, il l'a fait à Thornton. Tu sais, ça va. Ça, ça et puis tous les joueurs, la ça majorité. Ça se fait, mais pas à Montréal, man. À Montréal, ça se fait pas. Sais-tu quoi? Tu enlèves ça, là. Tu enlèves un hostie de gros fardeau. Parce que ouais, on le sait tout, là. C'est lui qu'il faut qu'il aille parler aux médias tous les soirs. C'est lui que. Pacho, c'est pas ça. Ah non, il doit pleurer chez lui. Pas là, bon. C'est clair qu'il va ah, non, ça non, ennuie. J'ai pas vu l'article. Il a parlé, là, il y a pas longtemps, là. Puis le monde, on dit que ça, c'est un vrai capitaine. Il est allé parler aux journalistes, puis il a dit exactement oui, ce mais, qu'il oui, mais il est pas dans sa chaise. Puis il a dit que, capitaine, ça m'aide à m'améliorer. C'est vraiment un problème de chaise aujourd'hui. Ça l'a infecté plus que l'améliorer. On a vraiment un problème de chaise aujourd'hui. Il est pas dans la bonne chaise. Non. Tournant, pas Pacho, non. L'assiette est pas dans la bonne chaise. Non. C'est ça. Je te un prochain extrait. On a demandé à Marc, est-ce qu'on va revoir Pacho la prochaine saison? Voilà. Encore là, ça, c'est spéculation d'échange, mais c'est certain que c'est difficile pour Max, comme tout autre joueur, que son nom, je pense qu'ici à Montréal, depuis peut-être un an et demi ou deux, on entend le nom d'Alex Galchenyuk. Il est encore dans l'organisation. C'est certain que c'est pas facile. Mais je suis confiant que Max, qui a mis ça derrière lui, avec les 21 derniers matchs, on voit le Max qu'on connaît bien, puis je crois qu'il va être capable de mettre ça en arrière de lui puis aller de l'avant pour les 20 dernières parties. Esti, moi, je crois que t'as pas répondu à la fucking non, question. Non, moi, je pense qu'il a répondu, c'est non, qu'il mais tu veux plus qu'il dise quoi? Hein? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'implant. Il n'a pas parce répondu que... à la question, non, mais parce... pas du tout. Oui, il a oui. été tellement évasif. Oui, mais c'est la seule façon de répondre quand tu veux pas répondre que oui, on veut le trader. c'est la seule façon de répondre. C'est juste ça. Tu peux pas dire ça de ton capitaine first. Fait qu'il a dit ça. C'est un désaveu. Dans le fond, c'est pas un désaveu. Oui. Ce qu'il a fait, c'est une réponse de politicien. Puis il a pas répondu à la question. Est-ce qu'il va être encore là? Écoute, il va peut-être être encore là. Mais peut-être que je vais l'échanger. La question demande une réponse. Non. Il n'y a pas d'assurance qu'il peut échanger. Non, attends un peu. Souben, il a dit qu'il l'échangerait même pas. Puis il l'a échangé. Lui, il a juste rien dit. Fait déjà, c'est un progrès, moi, je trouve. Ouais. La seule réponse certaine qu'il aurait pu dire, c'est Pacho, c'est notre capitaine. Il est à Montréal pour rester. Puis nous autres, c'est zéro dans nos plans. C'est la seule réponse. Il l'a pas dit. Ça veut dire que. Mais il est pas dans le tout le monde temps, il va pas faire il va pas faire la même erreur deux fois qu'il a faite avec Souben. Il a fait ça avec Souben. Il va pas dire genre il va être avec nous l'année prochaine, c'est notre capitaine tout le kit. Parce que si tu fais ça, tu viens de genre puis un joueur encore, va faire confiance. Et tu viens encore de mettre moi je suis Pacho mettons, j'entends j'écoute la... sur les joueurs puis tout man. Ouais, mais moi je suis Pacho mettons, j'écoute là la conférence de presse que Benjamin a donnée, je fais comme écris j'ai zéro là. Il doit être devant les médias là, il m'a pas backé. Réponse de politicien je suis pas backé sans. Il va te parler en privé. Mais la question après à Benjamin, c'était comment on relance. Moi je pense pas. Comment on le relance Pacho de bord s'il reste. Mais justement pour continuer dans cette marche aussi, pour continuer sur la question de Jean-François. Marc dans la foule, il sait pas où est-ce que le monde est. Écoutez ça. Pour continuer sur la question de Jean-François, le fait qu'il soit capitaine Pacioretty, ça évidemment il y a un mandat qui lui revient, il y a le leadership qui vient avec ça. Est-ce que ça rend les choses plus compliquées de justement mettre ça derrière lui? Parce qu'il y a un travail que l'organisation peut faire, que le personnel d'entraîneur peut faire pour justement assainir l'atmosphère d'une certaine manière? Oui, puis on a eu des conversations avec Max, puis on le supporte. Puis on est là pour l'aider, mais encore là, souvent, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle et de son contrôle qui font la situation difficile pour lui. Alors, c'est peut-être une des raisons pourquoi il n'y a pas une saison à la hauteur. Mais comme j'ai dit tantôt, je crois très bien qu'avec les 21 derniers matchs, qui devient le max qu'on connaît. Fait que c'est quoi la situation qui est hors de son contrôle puis hors de leur contrôle? Les rumeurs d'échange à son égard. Lui, il peut pas contrôler les rumeurs d'échange, puis il faut dealer avec ça, puis le joueur, faut qu'il deal avec ça pareil. Puis là, dans le fond, ce qu'il vient de dire à la fin, c'est que bon, ben là, on va voir le vrai Max Pacioretty pour les 21 matchs qui restent, parce que les rumeurs, il n'y en aura plus pour l'instant. Il n'y a plus d'échange possible. Ben oui, mais là, la rumeur, ça fait juste que la rumeur qu'il y avait. Elle va être reportée à cet été. Cet été, il n'y aura pas de pression parce qu'il va y avoir beaucoup moins de médias d'en face. Fait que il n'y aura pas à répondre de rien. Cette année, je ne sais pas s'il va y avoir moins de médias parce que c'est attendu en tabarnak. Il va y avoir des médias s'il y a de quoi qui se passe. C'est l'été, à soir. Mais s'il n'y a rien qui se passe là, pendant tout l'été, là, le monde ne va pas aller le voir pendant qu'il va être en vacances. Pacho, tu parles? Ben oui. Ouais. Pacho, c'est lui qui ça y fait une grosse pression sur lui. Savoir d'ailleurs, on a des breaking news. Ouais. Pacho, ce soir, encore zéro tir au but. On est en troisième. Il est moins deux shots on goal. Il est dégueulasse, pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Non, mais c'est un désaveu. Voyons donc. Pacho, il est sorti de Montréal. Il a droppé. Mais ça, il tente plus, là. C'est fini. Faites donc une blessure, quelque chose. Sortez-le de l'alignement. On a juste qu'à essayer à soir. Si tu sors comme avec Kerry. Si tu sors de l'alignement, là, c'est que ça te force comme à. T'envoies trop un signal aux équipes qui disent on a un problème avec ce joueur-là. Puis finalement, là, tu vas être pogné avec le monde. Ça mais, pèse mais tu sa le valeur. Vois, puis il fait zéro tir en 4 games. C'est 4 games qu'il n'a pas tiré. Je sais pas, fait 3-4 games. Ça fait 4 games qu'il n'a pas tiré. Oui. Il n'a pas tiré contre les Islanders, je pense, l'autre game avant. Ça fait 2 games de suite. Plus celle-là qu'il n'a pas tiré encore au net depuis la date limite des échanges. C'est quoi son temps de glace? Même temps, là, il doit jouer à peu près autour de 15 minutes. Mais ça a droppé. Ah oui, c'est sûr, parce que ouais, c'est donne plus, la place le temps de glace est plus équilibré entre les quatre trios. C'est sa façon de... J'ai attendu de quoi sur Pacho? Là, son agent, c'est Pat Brisson. Puis apparemment, Pat Brisson travaille avec Marc Bergevin et d'autres DG pour essayer de faciliter le processus de transaction pour que ça se fasse plus rapidement. Ben oui, c'est sûr, ils veulent rendre service à tout le monde. Bergevin, c'est sûr qu'il ne veut pas faire chier Pacho d'un sens. Non, c'est dire, on veut se rendre service, tout le monde veut se rendre service. Mais il faut l'échanger pour quelque chose qu'on a besoin. Et voilà. Ben c'est sûr. Parce que tu veux pas être pogné d'une situation comme avec Duchesne, tu sais, à Colorado. Tu veux pas arriver à ce stade-là. En même temps, il faut faire attention aussi de qu'est-ce qu'on va aller chercher avec Pacho, parce que ça va dépendre de qu'est-ce qu'on va faire, justement, quand ça va être le temps de signer des deux joueurs. C'est ça. Si tu vas chercher, justement, le Holy Grail, tu vas chercher un gars comme Tavares au centre, ben là, ton besoin, t'as un besoin centre, mais t'as un besoin ailier aussi. On en a beaucoup d'ailiers, par contre. Ouais, des ailiers, ouais, mais des ailiers sont capables de jouer, c'est la première. Mais des scoreurs comme Patio. Check bien ça, il soit arrivé. Vas-y, Alex, c'est la deuxième. Au repêchage, le Canadien va trader un choix de deux. Gallagher. Aux Islanders pour pouvoir négocier avec Tavares. Attendez, là, wow, pas deux conversations en même temps, s'il vous plaît. Vas-y, Alex, répète ça. Check bien ça, au repêchage, Bergevin va trader un choix de 2 ou un de ses choix de 4, whatever. Il va trader un choix pour pouvoir négocier avec Tavares avant le premier jeu. Je pense pas que ce soit nécessaire de faire ça. Ah, c'est oui. Beaucoup donner un deuxième choix pour un joueur. Il y en a qui le font, man, ça arrive. C'est pour vrai, pour vrai. Donne un choix de 4 ou 3. Juste pour un bet. Je dis pas un bec, là. Ouais, j'étais comme pas sûr. Un bet. Ouh, il dit un bet. OK, prochain extrait. On a demandé à Marc, qu'est-ce qui a fait dérailler la saison cette année? En particulier, une chose en particulier, non. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été à notre façon, comme en organisation. Puis, ta défense, on est très déçus. Mais encore là, on regarde en avant. Ouais. Et puis, on va travailler fort pour réparer les lacunes qui nous manquent. On va réparer des lacunes. C'est correct, boss. Je regarde de l'avant. Puis pas je vais une lacune, réparer des lacunes. Des lacunes. On va réparer les lacunes. Mais on va réparer les lacunes qui nous manquent. Que j'ai créées. Mais t'as un peu. T'as, ouais, c'est ça. Ça mais j'avais vu une affaire, là. Tu sais, mettons, quand tu regardes ça, Bergevin, je ne sais plus si j'avais lu ça, mais tu regardes, dans le fond, tu te retrouves maintenant les Canadiens, dans les derniers moves de Bergevin, tu te retrouves que les Canadiens ont Weber et. Price? des derniers échanges. Weber, des échanges, ouais, Weber. Drouin. Versus Markov, Radulov, Subban. Sergachev. Ben, juste pour vous mettre une parenthèse. Comme un versus de tout ça. Ben, Radulov puis Markov, c'est pas la même affaire. Non, c'est ça, c'est pas pareil. Là, mais juste pour revenir sur Markov puis Radulov rapidement, là, le fait de ne pas les avoir signés nous a donné du lousse cette année, mais en plus de ça, on a 20 millions de lousse. On a 20 millions de lousse cet été. Ça, c'est correct. À signer à Markov et Radulov, tu n'aurais pas eu cet argent-là parce que ces gars-là auraient signé pour un contrat de plus d'un an. Ouais, mais t'aurais eu quelque chose que t'as pas eu cette année dans l'équipe. Puis Radulov, ouais, ça c'est, mais cette année, Radulov s'en va pour choix. Sa meilleure saison en carrière dans je sais, mais c'est-tu quoi, ça pourrait être presque un blessing. Là, oui, un c'est ça. Parce que c'est sûr que ça soit de la merde, mais que là, vu qu'on a 20 millions, on va voir. Ça, là, mais voyons, tout est possible. On va voir vraiment si tonton. Ouais, mais c'est ça. Ça va être beau pour l'été. Un blessing avec Bergevin. Ah ouais, que c'est un bon recrutant. Sa chance est là, là. S'il scrape ça, on le bat. On verra pas là-dessus, mais oui, l'appareil est fini. Là, que c'est vas-y, c'est Christmas, sa dernière chose. Bergevin, là, va être le Messi. Mais oui. C'est Tavares, il est comme réincarné, là, en Christ de bon. Il me reste trois extraits audio rapides qu'on va les passer. C'est Jésus sur la croix, son remplaçant. Il a demandé s'il y avait des... J'essaie de lire la forge, je rien. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais faire que tu n'as pas réussi à faire à notre limite des transactions? Aujourd'hui, non, pas vraiment. Écoute, encore là, aujourd'hui, c'est pas une journée pour faire des choses majeures. La majorité des transactions... T'es en train de venir! Avec des choses mineures. Sur des joueurs de profondeur. Alors, c'est la journée des... La semaine avant, c'est... Habituellement, c'est là-dessus que les équipes se concentrent. Oh, ça a coupé en avant. Fait que c'est là que les équipes se concentrent pour faire les transactions. Ah. Voilà, il en reste deux. Après ça, il a demandé si c'était un échec de ne pas avoir utilisé le coussin qu'il y avait sur sa masse salariale cette saison-ci. Non, parce que, premièrement, tu as un espace sur la masse pour une année. Puis souvent, tu obtiens des joueurs ou... Surtout, signer des joueurs, c'est à long terme. Puis l'an prochain, on sait qu'on a des joueurs qui rentrent dans les nouveaux contrats. Alors, mais il n'y a pas une situation, puis je peux vous le promettre, qui s'est présenté à nous d'une occasion de faire quelque chose comme ça. D'accord, Marc. OK. Je crois. Ça faisait déjà... I believe him. Dernier extrait pour cette semaine. Vous êtes tous des hosties. Parle-nous de Mike Riley, Marc. Oui, potentiel. Je ne sais pas à quel point qu'on peut aller du côté offensif, mais il y a du potentiel. Oui, écoute, je l'ai vu récemment jouer, puis je pense qu'il y a un bon sens. Il est capable de tirer. Alors, ce qu'il va continuer à développer dans une autre organisation possible, mais encore là, ça, tout doit dépendre de lui, mais on va sûrement l'encadrer, l'aider pour l'amener à ce niveau-là. Le reste reste à voir. On va-tu le développer, développer à Montréal? On va voir. Ce gars-là sait patiner. C'est un il tire plus. Au but. Il est capable de tirer une rondelle. Je l'ai vu lancer ses patins dans le vestiaire. C'est comme champion. Pour ceux qui ne savaient pas, Bergevin et son équipe de management ont assisté toute la gang ensemble à un match du Minnesota pour aller voir Mike Riley. Voyons donc, comme qu'ils font genre Rick Dudley, toute la saison, aller voir d'autres équipes jouer. Mettons, il y a deux semaines à peu près. Mais ils font que ça, les scouts. C'est rare que voir des joueurs jouer. Manger des roteurs. C'est pas souvent que Bergevin va se déplacer pour ça. Bergevin est tout le temps avec l'équipe. C'est le DG qui suit le plus son équipe. Mais le DG était avec son équipe pour voir la game du Minnesota pour observer Mike Riley. Bergevin fait tout le temps ça. Bergevin est tout le temps sa route. C'est connu. Il se promène tant c'est rare qu'il y ait des games parce que tout le monde l'en parlerait à tous les jours. Mais non, mais il est tout le temps avec l'équipe, c'est vrai. Il est tout le temps avec l'équipe. Le Canadien, je ne voulais pas le Wild. Non, mais tu parles de ça comme si c'était comme Bergevin est allé voir une game à l'étranger. Oui, je sais, mais c'était pas une game du Canadien. Ben, il fait ça souvent. Ben oui, ils font tout ça. Les gars, ils ont la TV sur le banc. Il est allé voir les Blues, il est allé voir Colorado. C'est chum à Chicago. Quand il y a des games à Montréal, il y a les scouts de toutes les équipes qui sont là. Les scouts, mais pas rarement. Il y a souvent les DG. Sont là. On va laisser le mystère planer là-dessus, puis on va aller faire une entraque. Combien de fois t'entends ça, justement? Hey, il y a tel DG, là. Eh oui. J'étais en train de faire des rumeurs. Je le sais, mais... Ben, Dave, il faut qu'il parle dans le site. On s'en fait une pause pour voir la troisième. Des habitudes. On est retour pour la troisième période. Et c'est maintenant le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL, post-échange, post-transaction, voilà. Résumons les gros moves dans la Ligue nationale qui se sont passés. Les équipes se sont le plus améliorées. Un échange à trois teams impliquant les Pens, les Sens et Vegas. Derek Brassard qui passe aux Pens. Ouais, ça, c'était pour la masse salariale. Dans le fond, c'est juste Vegas, de l'argent. C'est juste que Vegas a retenu une partie de la, du salaire. T'as il a été chercher un goon en plus, Ryan Reeves. Ah, c'est bizarre que Vegas fasse ça. Louis, ça leur a donné pas grand chose de faire ça. Ça leur a donné Ryan Reeves. Ouais, mais c'est qui ça qui a eu Reeves? Ils ont cherché un goon. Vegas. Tu le connais, Ryan Reeves? Ben oui. Ben c'est ça, mais Vegas l'a ramassé. Lui, les goons connaissent ça. Mart, c'était un hot. Là. Lui était à Saint-Louis un bon bout de temps. Ouais, ça coûtait un premier choix à Pittsburgh pour aller le chercher l'été passé. Ils ont donné un premier choix pour Ryan Reeves. Ouh, c'était hot. Ils ont été chercher pour les playoffs pour un brasseur de cage. Hey, Ryan Reeves. Ryan Reeves. Je l'aurais jamais droppé. Non, mais lui il t'aurait droppé par lui, exemple. Lui, il m'aurait. Probablement, là. Hey, comme le co-haut que je vous envoyais dans le chat. Ah, tabarnak. C'est des mineurs, ça. Pauvre gars. Es-tu mort? on va le mettre sur notre page Facebook. Ta carrière est comme scrap, ça. Là. Et quand ça t'arrive, tout le monde t'est tagué pour le reste qu'est-ce de ta vie. Qu'est-ce qu'il faut? C'est un one punch KO. Face la première face à terre, sur la glace après. Une bataille des mineurs. Coup de poing dans la face. Knockout. Puis c'est comme un genre de overhead punch. Ah, c'est un genre de Superman punch. Il envoie un punch par en haut, genre par-dessus. Un grand crise de soccer punch. Et après, ça va au bas direct, c'est en calice. Ouais, puis ouais, c'est en calice. C'est le capitaine en plus, ce gars-là. C'est en calice, puis l'autre, il est jambon. Le gars qui est mort, le gars qui l'a knocké, c'est le capitaine de l'autre. Comment il dit ça dans la vidéo? Noodle legs. Les jambes en guenille, complètement. Les yeux ont lâché. Fait que les Pens qui s'améliorent avec Derek Brassard. Ouais, puis Brassard, il a callé out son DG à Radio 91.9, justement. Pierre Dorion a dit à Derek Brassard. Tu l'écoutes, le 91. Oh, non, mais j'ai lu une histoire. Qui quote. Ah, il a lu une histoire. Ouais, c'est ça. Parce que ça fait un plat. Puis Derek Brassard. Ça fait un plat. Non, c'est vrai, Derek Brassard a dit que le DG était le voir pour dire. Ça fait un plat après la joute. Ça a l'air que DG a dit Derek, je t'échangerai pas. Oh. Il a échangé. Il a fait un Marc Bergevin. Il a dit que ça va être correct. Ça, c'est ce qu'on appelle le. Quelque chose comme ça. Puis le baiser. Il n'a pas apprécié ça. C'est sûr que c'est ça. Mais il a dit Derek, ça va être correct. Puis c'était pas correct. Voilà, il a été échangé. Mais c'est un bon ajout pour Pittsburgh parce que dans le fond, ils ont Crosby, Malkin, puis Brassard au centre. C'est excellent. Fait qu'il a fait un Bergevin sous. Ah ouais, ouais. Genre. Il a fait un Bergy. Sauf que lui, c'est pas pire parce qu'il a fait ça de même à juste à lui, dans le personnel. Marc, écoute, Marc, lui, avait fait ça devant dans le grand crise de public, dans le bassin. Sauf que Brassard l'a dit au public, fait que ça revient au même. Finalement, c'est le joueur qui l'a dévoilé au public. Ah, ben là, ça, c'est cheap. Après ça, on a Brandon Davidson, le bon Davidson. Hey, ouais. Hey, il passe au Islanders en retour d'un choix de troisième ronde en 2019. Supply the man. Il vaut quand même un choix de troisième ronde. J'étais surpris de voir le prix. Puis le pire, c'est que le monde a commencé à blasser Dick Bergevin sur une graine parce qu'on aurait dû le garder pour l'échanger pour un troisième choix. À un moment donné, il faut que tu commences à. Il était dégueulasse. Quand il était ici, tout le monde voulait s'en débarrasser. Ah, il était terrible. C'est pas parce qu'un joueur change le reste dans une autre équipe que nous autres, il faudrait le garder nécessairement. Puis dans les circonstances, Davidson a bien fait que les Oilers, apparemment. Ah oui, apparemment. Apparemment. Dans mais ce qui est drôle, ce qui est drôle. Faites vos recherches. Là. Ce qui est drôle, c'est. Pis, non, mais l'affaire qui est drôle, c'est que le monde, que... il disait. C'est pas que Deslauriers, il donnerait pas un choix de 4 pour lui parce que le gars a été, genre, réclamé au balotage. Mais Davidson, il a réussi à avoir un choix de 3. Ouais, c'est bon. c'est ça, mais Deslauriers, il n'a pas été réclamé, il a été échangé par Zach Redmond. Je comprends, mais ça fait pas de sens pareil. C'est sûr. Quand tu compares les joueurs, c'est très cher payé. Ça n'a pas rapport. C'est très cher payé. Mais c'est un défenseur, ça vaut cher. Mais je pense que la Islanders en devait. On n'a jamais assez de défenseurs. On n'a jamais trop de défenseurs. Ah, à Montréal, les défenseurs ont une très grande valeur. Une belle profondeur. Un très grand respect pour les défenseurs à Montréal. C'est on bon aime ça. C'est très on aime bon. Ça. Après ça, il y a Rick Nash qui est rendu aux Bruins. Il est en feu. Il a scoré 3 buts en 2 games. Ah ouais, ça a mal commencé, lui, par exemple, avec les Bruins. Ben, première game, il devait être excité un peu, puis il savait pas trop ce qui s'en allait. Mais après ça, il a pris un petit peu trop de poudre. Boston a gagné 8-4 contre Pittsburgh hier. Il est bon à Boston. Ouais, mais là, ça, c'est comme une. Oh yeah! Avec le combat de Chara. Mais on n'a pas parlé de poids du jour. Avec le gros fight mais de Chara en plus. Le move de Rick Nash, pour moi, c'est une récompense parce que Boston connaît une très bonne séquence depuis le mois de décembre. Son meilleur que Tampa Bay. Boston. Je l'ai dit. Mais c'est Tampa Bay son. Oui, oui, mais là, t'as peu, Chris. Son Boston sont d'après les dépassés. Oui, oui, oui, mais Tampa Bay, ils ont comme un genre de slump, tandis que Boston, ils ont comme le peak. Gars, ça va tout se régaler. Ça s'équilibre tout à la fin. Moi, si je peux faire une prédiction, Boston va passer Tampa Bay s'ils s'affrontent en série. Ça se peut. Probablement, ils s'affronteront pas en première ronde. Non, deuxième ronde, fort probable. Ça, c'est toujours possible avec l'expérience que Boston ont en série, avec Tuukka Rask, avec, tu sais, tout se peut. Exactement. Tout se peut. Ils ont énormément d'expérience. Ils ont plus de grit que Tampa Bay parce que je verrais pas Kuchera genre se battre contre Chara. Non, mais oui, mais c'est pas une équipe robuste. Mais Boston va s'en servir. C'est battu, Chara. Écoute, mais ça faisait 20 ans que c'était pas battu. Boston, c'est pas un 18 ans que je suis dans la ligue. Ils auront jamais le nombre de buts que Tampa Bay. Non, ça c'est sûr. Fait que c'est tout. C'est deux styles complètement différents. Qui va l'emporter à suivre. C'est exact. Ça va être à suivre, mais c'est intéressant. Très. Ouais. Ben ouais. C'est passionnant. Rick Nash. Paul Stachny qui est passé aux Jets. Ouais, là, voilà. Les autres sont bien positionnés pour la course. Paul Stachny. Les Jets? Ouais. C'est chier pour je les Blues, par des contenders, exemple. Là. Check. Jets? Ouais. Ah, les Jets. Les Jets sont des contenders. Hey, eux autres, ils scorent du but en tabarnak et tout, là. C'est qui, man? T'as Niklas Heller. Ben non, c'est à Winnipeg. Léné. Comment il s'appelle? Hellebuck. Hellebuck. Hellebuck. Ah, le goaler, tu veux dire. Ouais, j'ai dit. El Buick. Non, Hellebuck. Hellebuck. Chauffe Buick. C'est ça. C'est Mathieu McConaughey. Il était 0% d'intérêt pour 84 mois, ce Buick-là. Ouais. Intégral. Intégral. Mais toute la patente. C'est ça, c'est un bon. Le vol Winnipeg. C'est la triste pour Winnipeg parce qu'eux autres, ils voulaient avoir Brassard. Ils ont voulu avoir Plekanec, puis finalement, ils se sont ramassés avec Stachny. Ils ont payé cher pour avoir Stachny, par contre, un choix de première ronde, puis plusieurs petits éléments. Ouais, mais c'est hot, ça va à peine. Ça les donne un boost pour la ronde des playoffs. Les joueurs des Blues, c'est en tabarnak. Ben oui. Ouais, parce que les Blues, ils n'ont rien eu. C'est parce que les Blues, l'année passée, ils ont tradé et tout Challenger. Non, il n'y a rien fait d'autre pour avoir de quoi de plus. Stachny, c'était pas comme genre leur centre numéro 1 ou 2. C'était leur centre numéro 1. Ça n'a pas rapport. L'équipe, c'est comme qui a dit d'ailleurs. Ça va faire qu'ils ont fait 2 points des séries. Ils ont 2 points des séries puis ils trade leur centre. C'est comme les Rangers. Les Rangers, ils ont envoyé une lettre. Ils ont envoyé une lettre pour dire qu'on fera pas. On va faire une reconstruction, mais il était à 6 points des séries. Ouais, mais c'est parce qu'il planait. Les sénateurs ont fait cette même lettre. Moi, je veux comprendre de quoi, JF. Tu dis que les teams en général, ils changent pas leur centre numéro 1. Pourquoi pas Nashi changer de joueur autonome à la fin de la saison? Bonne raison. Bonne raison. Les quoi? Je l'accorde. Joueur autonome à la fin de la saison. D'accord. C'était vite. Il manquait quelque chose. Quand tu échanges ton centre numéro 1 contre pas grand chose dans le fond, Il y a eu quoi, un choix de première ronde? Ta depth chart est mieux d'être belle. Ben, ils ont Robert Thomas, qui apparemment, il est NHL. Ouais, mais ils l'ont changé contre quoi? Un choix de première ronde, puis ouais. plusieurs éléments. Je ne les ai pas écrits parce que, honnêtement, j'aurais eu dans 10 pages de. Parce que les équipes ont eu comme 20 trucs pour un joueur. C'était ridicule, là. Ouais, il y a beaucoup d'éléments. Il y avait beaucoup de mais c'est beaucoup des choix conditionnels. Beaucoup de choix conditionnels, ouais, genre, c'est comme tabarnak. Ouais, des choix protégés, des affaires d'abord. Ah, c'est fou, là. C'est rendu complexe de faire des échanges. Pas comme c'est parce PS4. Que tout le monde, parce que tout le monde est trade pour le draft, là. Dans le oui, c'est clair. À cause de la masse salariale. D'après moi, Bergevin, il se pratique encore au PS4 quand il fait des échanges parce que. C'est jamais bien compliqué avec lui. Ben, on va voir cet été. Juste le deal de Thomas Tatar à Vegas. Ouais. C'est un choix de première ronde en 2019. Ah, ça, c'est un choix de deuxième ronde en 2020. Mais un choix de troisième ronde en 2021. Il y a beaucoup pour Tatar et tout. Là. Ben oui, parce que l'autre, c'est un Tatar. Joke plate. LOL. Voilà. Moi, non, c'est plus ça que ça aurait été. Je préfère m'abstenir de toute réaction. C'est la plus d'allure. C'était pas ma meilleure. Je vais aller. Malotte, gars. Il est un modèle au gratis. Aventure-toi pas trop là-dedans, ces affaires-là. Ouais, non. C'est pas mon département. T'as-tu un autre bot plug? T'as-tu un call-out en soirée, toi, Malotte? C'est vraiment un bot plug. Après ça, Evander Kane qui est passé aux Sharks. C'est bon, ça. Finalement, changer d'adresse, Evander Kane. Je l'aurais jamais pris, mais. Ah, si tu veux pas. Ah, mais il y a la difficulté avec le marché californien. Non, Evander Kane, c'est de la merde. Moi, je crache dessus. Il produit à San Jose depuis son âge. Ah, mais moi, en jogging. Moi, le Evander Kane, en dehors de la patinoire, mettons, mais sa glace, pour vrai, c'est un petit scoreur. Hey, c'est vous, à quel âge, ce Chris-là? 26 ans. Il mange la merde. C'est jeune pour un joueur autonome. Il est juste 26. Je veux pas l'avoir à Montréal, ce gars-là. Il a commencé à dire. Je veux pas l'avoir à Montréal. Il va mourir d'une overdose. Mais quand. Si on prend deux semaines, il va aller dans un arbre avec son char. Là, c'est ça. Il faut pas avoir une toune de non, mais quand tu l'as dans ton club, tu peux dire qu'il y a une chance à ça va être lui, ça. Ouais, mais c'est pas indéniable. Lui, de ça l'avoir va être plus Maurice Richard. Je le sais, il fait bien à sa nausée, je trouve. Ben, c'est un nasty shooter. Ah ouais, il vient de gain, là. Il produit. Dans l'enfer du match. Ah, lui, c'est évident. C'est clair. Voilà, Joe Thornton, t'allais l'accueillir à l'aéroport, justement. Là, avec sa demi-barbe. Avec sa demi-barbe, puis l'autre était en short. Sa demi-barbe, il a perdu un chunk. T'as pas vu ça ou tu l'as. Quoi, il s'est fait arracher un bout de ouais, bâton, c'est dégueulasse, ça fait tellement de l'air ah, sec. Ah ouais, mais ça a l'air là, comme le gars, il s'est pogné un morceau de SOS. Ah ouais, c'est vrai, ça, c'est dégueulasse. Du vieux Chris pour de frotter foin du métal. Qui a passé, qui a passé que l'hiver là au complet, puis a resséché au printemps. Du poil de poche que c'est dans un coin. Il se défend en croûte. Où est-ce que c'est du poil de poche qui se dans un coin? Ben ça arrive souvent au Mexique. Fais le ménage. Au Mexique. Hey, ça doit moi, ça m'arrive à tous les fois au Mexique. Surtout ça, du genre dans la chambre d'hôtel. Une coquille et un bout de poêle. Ça passe pas le balai, ils sont paresseux. Je pense que tu sais que ça t'arrivait tout le temps. Je pense tout le temps, c'est une souris. Puis je vais voir, je vais la flatter. Finalement, c'est du poêle de poêle. J'y ai du sang latin. Il y a des préjugés, c'est les Mexicains qui font une siesta. Ça fait un petit tumbo. OK. Le joueur de location numéro 1 de la Ligue a été échangé. Thomas Vanek qui passe aux Blue Jackets. Je trouve que ça n'est pas un bon fit. Lui, ce gars-là, là, lui, il est là un bon fit, il est tradé, Chris. Ah, ben encore. Ah, lui, man, c'est le joueur le plus tradé. C'est quoi t'avais dit? Lui, il est mort de rire. 8 teams en 5 saisons. 4-5 saisons, hein. Surprenant pour un gars qui... C'est deux par année, à peu près. Donc je pense, là-dedans, c'est... Trois fois, il a été changé au plus. Je me souviens pas. En tout cas, il y avait un haut pourcentage de fois qui a été changé à date limite des transactions. Ben oui. Vanek, c'est tout le temps le joueur qui bouge tout le temps à date limite des transactions. Le nombre de fois qu'elle bougeait le plus, c'est à date limite des transactions. Oui, parce que juste l'année qui a été joueur, qui est venu à Montréal, il a été changé deux fois dans la même année. Le Islanders, puis après ça, Montréal. C'est dégueulasse. Après ça, Minnesota, Détroit, Vancouver, je sais pas qui d'autre. Ton Yosson, il est à Boston. Yosson a scoré son premier but d'année. Celle les fêtes moyennes âgeuses. Yosson a scoré. Ouais, ah, Victor Mété est blessé. On a gagné. Oh, on a gagné. Il a scoré puis Mété blessé. On sait pas encore. Si on gagne, ils sont bien des passes. On a gagné même. Ouais. Fais jouer Pacho 20 minutes. Hey, hey. Ouais, on suce pour Rasmus. Wilson, on suce pour Rasmus. Come on. On se rend jusqu'au fond. Chantal, elle a dit qu'il y avait tout un plan. Qui a un plan? Rasmus ou... Okay. Non, qui a un plan? Rasmus sûrement. Probablement. Non, Yosun a dit que. Elle a tout un, il y a tout un plan. Yosun a dit que Chantal avait tout un plan. Ouais, exactement. Des plans. Puis dernier gros trade, McDonough et JT Miller qui passent au Lightning. Hey, le trade du trade deadline. Probablement. C'est ouais, pas ouais, mal mais le quelle gros magie. Hey, mais le McDonough. Le Lightning, ils t'ont un nœud. Eiserman, c'est comme. Puis l'affaire qui est drôle là-dedans. Dans ce deal-là, l'affaire qui est drôle, c'est qu'un choix conditionnel de première ronde que le Lightning donne aux Rangers, ça, c'est si Lightning gagne la coupe cette année. Sinon, c'est un choix de deuxième ronde. Ouais. S'il gagne la coupe, c'est un choix de premier. Ça, c'est fou. Ça, c'est le défense est devenu comme le top défense de l'équipe. Il a donné Namestnikov qui a une petite belle saison. Il a déjà scoré de la première game. Il y a une belle chimie avec Kouchera et Stamkos, ce gars-là. Là, puis ils ont brisé cette chimie-là de même. Puis oui, McDonough, ben, c'est pas con, C'est ça. Puis là, ce qui est encore plus drôle, c'est que la deuxième paire du Lightning, ça va être Dan Girardi et Ryan McDonough. La paire de New York l'année passée, la première paire des Rangers. C'est débile. C'est quelque chose pareil. Mais Iserman, il n'a pas peur. Puis Sergachev a de la peine parce qu'il va. Mais son temps de glace va être coupé. La peine. Moi, j'aime, ça quand ça vient en paire. Ils ont plein de fucking jeunes talentueux. On n'a pas ça. Mais c'est une zone confortable, pareil, de dire Namestnikov, genre, je défais une hostie de recette gagnante en ce moment. Qui peut chercher quelque chose. Les attaquants. Tu peux t'en défaire, mais là, sa défense, c'est solide, puis un bon gardien. Ben, sa défense, c'est solide. Il y a une ligne de centre établie, fait que tu peux, genre... C'est quand même un allié qui performe. Tu sais quand même que tu vas chercher quelque chose, là. Tu sais, Ouais, mais McDonough, il tombe où, lui? McDonough, ça, c'est... Pour de vrai, c'est pas ça, moi, je pense, le super catch, c'est JT Miller, le super catch. Ouais, parce que c'est un gros joueur de centre, il est vite, aussi, là. Fuck, ça, c'est... Ouais, puis en série... C'est lui qui s'est fait ta gueule par Weber. McDonough, c'est bon, là. McDonough, c'est très bon. Dans ta défense, la seule affaire, McDonough, c'est du crise de dette en esti dans ton défense. Mais c'est pas grave. Si tu fais jouer 4-5. C'est un leader. Puis ben 4-5-3. Mais JT Miller, il va jouer sa deuxième paire. Il va jouer sa deuxième paire. Moi, je dirais 3-4. La seule affaire qui m'inquiète pour McDonough, c'est que là, il est présentement blessé. Fait que j'ai hâte de voir s'il va revenir puis s'il va reprendre son souffle. Il est blessé, il était aussi très laid. Dis-toi bien qu'il aurait pas été le chercher, sachant que le gars, il est hors de la saison. Non, c'est sûr. Fait que moi, la seule affaire que je partirais, c'est si le Lightning sort en première ronde. Ils sortent pas en première ronde. C'est impossible. Avec Vasilevski d'un but. On sait jamais. Oublie ça. Les playoffs, c'est une nouvelle saison. Tu sais. Oublie ça. On sait pas rien dans ces risques. Ça peut arriver. Moi, je le souhaite. On s'attend pour dire que le Lightning ont gagné la journée des dates. Moi, je souhaite quasiment que les plus gros clubs se fassent sortir première ronde. Ben, dans l'Ouest, c'est genre. C'est pas mal un free-for-all parce que Nashville se fait sortir première ronde. Ils sont des contenders. Winnipeg va sortir première ronde contender. Boston même. Out aussi. Winnipeg va genre se faire sortir en premier. Boston, pas Vegas en finale. Let's go. Mais Vegas sont des contenders. Ouais, c'est clair. Là, c'est drôle que Vegas gagne 6-3. 6-3. Tabarnak. Pas Valenders. Machio, combien de tirs au but? Zéro sûrement. Tabarnak. GF pour la fun. Gatchenok est au chapeau. On a battu notre futur centre. J'ai vu une stat tantôt RDS. Il n'y a rien qu'au lycée comme Pacho pendant deux games. Tavares, dans les 4 derniers games, il n'y a aucun point. 4 défaites des Islanders. Il boude. Il a hâte de partir. Il a hâte de venir à Montréal. Probablement, oui. Il a hâte de payer plus d'impôts. Payer plus d'impôts et être au Québec. Il veut en payer de l'impôt. Il veut être le voisin à chier. Il aime ça donner ses impôts et son argent à tous les médecins du Québec. Jeff, t'avais-tu un call-out, toi, ce soir? Ouais. Je faisais faire un éditorial comme ça. C'était une promesse. Oh, fuck les infirmières. Non, j'ai pas dit les infirmières. T'as eu les hosties d'infirmières. Qui mange la marde? Ça échappe des... Ça va prendre une bonne gorgée pendant ça. Ça échappe. Si t'en mets à terre et ça te pile ses doigts pendant que tu ramasses. Ouais, Jeff va pour son call-out. Et attention, durant la période. Il l'a comme préparé, ça fait deux semaines. C'est supposé de caler une bière, toi, hein, dans le deal. Ouais, mais j'ai mal à la gorge. Ouais, c'est fait fi. Check les bains, okay. Popper une hémorroïde. Mettons son pain, lui, on me voit-tu bien? Ouais, okay. On te voit bien. Le journal de Montréal en entier. Ok, je pensais que j'allais dire en anglais. Non, en entier. Je vais commencer par quasiment tous les journalistes du journal de Montréal, en passant par José Théodore, qui a osé dire qu'il n'a jamais été aussi mauvais que Carey Price dans toute sa carrière. Calice José, esti, tu te souviens-tu quand t'as signé ton contrat de 3 ans à 5,5 millions, tabarnak? Non seulement tu te crissais n'importe quoi dans le nez, là, mais en plus, t'as joué un test. T'étais accusé d'être dopé pendant l'année parce que tu te crissais genre du stuff dans les cheveux pour avoir des cheveux, tabarnak. T'as le plus de cheveux qu'un chanteur d'ici, Calice. Fuck you, José. En plus de ça, Pierre Durocher, hostie de vieux Chris de tabarnak. C'est clair que tes orteils, esti, ils sentent le fromage suisse. Mon nesti, toi, tu voulais qu'un Bergevin aille chercher Snashny. Il voulait qu'il aille chercher McDonough. Mais tabarnak, on est en reconstruction, Pierre. Une reconstruction, là, ça veut dire qu'on bâtit les bases de l'équipe. C'est pas le temps de faire des gros moves, hostie de vieux Chris de tabarnak qui écrit encore ses textes à l'encre avec un stylo en papier, puis tu le donnes à un kid de 10 ans pour qu'il le donne à ton éditeur parce que tu t'es trop paresseux. Marque de foi, hostie, ta photo, là, ton avatar, ça a l'air d'un gars qui s'est trompé de piton, se prenait un selfie, hostie, on voit ton manteau en triple, hostie, puis en 3D, c'est dégueulasse. Je vous envoie tout chier, mes gangs de tabarnak. Les front pages, là, excuse-moi, là, je m'en calisse-tu que Subban porte des bobettes roses puis sa cravate, elle a des fleurs dessus puis des ananas. Le front page, calisse! En plus de ça, vous osez dire que Bergevin a rien calcé pendant la date limite? On est à reconstruction, ma gang de tarlans! Une reconstruction! Et en plus de ça, vous êtes en crise parce qu'on a pas signé de petit kit qui a pas passé sa cinquième année au secondaire. Alex Bourret, Boulotte, je m'en calisse! Écoute, tu mets pas ça sur le front page, esti! Tu fermes ta calisse de gueule, esti de journal, crise de papier avec des traces de miettes de pain, esti, qui sont dans des cantines où ce que le déjeuner coûte 5$ pis ça coûte le cul pis une tranche de bacon. Allez, tout chier, ma gang de tabarnak! Pis Pacioretty, je t'envoie un certificat cadeau pour que tu puisses suivre une séance, une session avec Gilbert Scott. Ça te ferait du bien. Ah, il est parti à la job, malheureusement. Ouais, trop agressif. Alors, Gilbert Scott? Fuck ouais. You au Journal de Montréal. Allez tous chier, ma gang de vieilles attardées de calice. Quand Régent Tremblay là, a le meilleur article depuis 2 semaines, vous avez un esti de problème. Merci. Ça fait plaisir. Le Journal de Montréal, qu'on lit en mangeant des roteux en prenant le cancer à la belle province. Quatre choses, genre. D'après moi, ma lettre, tu saignes du cul en ce moment. J'ai chaud. On pourrait être mouillé. Tu sens-tu les toasts? Il y a se pète un anévrisme, il y a un petit rayon anal qui a comme fissuré. Alors, j'ai pété du sang. Un rayon anal. Il y a plein de cœurs qui arrivent sur le live en ce moment après le corps d'Adjie. Mais quand lis ma lettre, tu lis le journal parce que tu le connais mieux que moi. Non, mais c'est parce qu'il traîne tout le temps à terre à job. C'est sûr que je tombe dessus quand je vois chier. Il traîne à terre. Moi, je sais pas, je suis vraiment pas valider le corps de qu'est-ce que tu dis parce que je lis pas. Moi non plus, je sais pas. À chaque fois que je prends mon café, là, je vois tout le temps le journal à côté là, de la machine à café. Mon je lis pas, je fais juste. Ben, c'est sûr que si je vois de quoi qui m'énerve, je vais le lire. Je vais le lire parce que dans le fond, ça l'alimente ma frustration. Il écoute pas le 91.9. Il lit pas le journal à moi, mais il sait tout le que c'est pas. Je t'ai saisi en Ah, je l'ai check parce que t'as pas l'air de pas. J'aime ça me faire irriter. C'est comme le joueur qui dit oh, « Non, je lis pas les rumeurs. » Non, mais c'est leur front page de Journal de Montréal. Ben oui, mais... Parle de Subban. On s'en calisse. C'est dans l'Allopolis, là. C'est clair. Je sais c'est quoi. Il y avait des tontons dans l'Allopolis à l'époque, me semble. Ah ouais. Ah ouais. Ah, moi, j'aimais ça checker le journal-là. J'arrivais au dépanneur, c'était le premier journal, je pense. J'ai vu son tonton. C'est quelqu'un qui se faisait arrêter, genre, resté. Un chauffeur de taxi. Ouais, c'est ça. Tu passes tous les articles, genre, un chauffeur de taxi sort la graine. Il y a des valeurs à longueur où ce que je vois que le gars, il met les revues porno en bas, lui. En bas de quoi? En bas de tout, là. Comme tu sais, un étagère de revues, lui, c'est en bas. À caisse? Première rangée, là, tu sais, les jeunes, c'est ça qu'ils voient, c'est comme les tatons. Hein, ah, mais quand j'ai travaillé dans un dépanneur quand j'étais plus jeune, là. Pour être la clientèle, c'était comme ça, c'était les tatons étaient tous en bas. Toutes les revues de cul étaient en bas. Première rangée, deuxième rangée, ah, en ouais. bas. C'était pas de même, d'autres au Sunoco. Le Sunoco. Ah, ça, là, c'était cool. Ça, c'est cool. C'était un dépanneur, genre, dégueulasse. Tu sais, au SO, pour jouer mes parents. T'avais quand même. Ah, Saint-Jean, Saint-Luc, ici. À peu près. OK. N'est-vous pas dans ce coin-là, Saint-Luc? Je m'en allais dans l'Ouest. C'était avant ça. C'est juste avant ça. Okay. Début 2000, les belles années. Ouais, ouais. On était jeune et fringant. On avait plus de cheveux. Voilà, fait que. Je parle de ma calvitie à chaque podcast que je fais. Bon, fait que ça fait le tour du podcast. Écoutez, il y en reste un. Mon boss s'appelait Hussein. Bolt? Puis il aimait les tatons. Hussein Bolt? Non, c'était son nom de famille. Hey, Hussein. Il aimait les tatons, mais t'as ça en bas, lui. Comme ça, Saddam? Saddam Hussein? C'est pas Saddam. C'est pas Hussein Bolt, c'est pas Saddam Hussein. Fait que message aux fans, on désespère pas. La saison achève, là. Notre calvaire est presque fini. On va finir par savoir qui va repêcher. On a 20 millions, plein de choix repêchage. Une loterie, Jeff et la Modelo gratis. Tout va bien quand même. Il reste un épisode le 30 mars qui sera le post-mortem avant la fin de la saison parce qu'on s'en calisse pour on était écœuré. Parce qu'on aime mieux faire des jasettes. Mortem avant la fin, c'était cœur. Mais hein? Ben là, on va la lancer à service. On n'aura pas le choix. On la lance. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'on rechiale sur Patio, qu'on rechiale sur. Ben, pas Plecky. Une saison à oublier, man. Oublier, mais le repêcheur. Ma suggestion en attendant, c'est arrêter de chialer sur Patio. Laissez-le tranquille. Mais oui, il fait. C'est comme s'il joue pas. Lâcher le morceau. Voilà. Fait que, écoutez, on se revoit dans quelques semaines. 30 mars pour le post-mortem. On se voit le temps de match. Le temps de match. À la prochaine, tout le monde. Temps de match.